Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, merci de nous être fidèles et aujourd'hui, eh bien, j'ai eu envie de passer un peu de la musique de Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, eh bien, c'est l'Amérique qu'on aimait plutôt, ouverte sur le monde humaniste. Et Leonard Bernstein, il était issu d'un milieu juif venu de Russie qui s'est installé aux États-Unis au début du XXe siècle. Son milieu familial n'était pas très chaud pour qu'il fasse de la musique, en tout cas en tant que professionnel. Et évidemment, Leonard Bernstein, c'est le nom essentiel de la musique américaine dans la seconde moitié du XXe siècle, chef d'orchestre, pianiste, évidemment compositeur, mais aussi pédagogue et infatigable animateur d'émissions de télévision pour présenter la musique classique, pour la faire connaître à des gens qui ne la connaissaient pas, au public américain qui ne la connaissait pas. Alors évidemment, en tant que compositeur, son nom est principalement associé à la comédie musicale West Side Story, 1957, écrite en collaboration avec le chorégraphe Jerome Robbins, qui lui valut une gloire dans le monde entier. Et donc on va écouter un extrait de la suite symphonique de West Side Story, une suite symphonique composée des principaux thèmes de la comédie musicale, réunis en une suite destinée à être jouée au concert. L'Orchestre Philharmonique de New York est dirigé par le compositeur. Thank you. Eh oui, les coups de sifflet de la police, parce qu'il y a des rixes entre les Jets et les Sharks, deux communautés qui s'affrontent pour la prise de contrôle d'un territoire. West Side Story, 1957, Leonard Bernstein qui dirige le New York Philharmonic. Un peu de Mozart maintenant, avec son opéra Lucio Silla. Bon, il faut le dire, c'est quand même pas l'opéra le plus connu de Mozart. C'est un opéra de jeunesse, si l'on peut dire, pour un compositeur qui est mort à 35 ans. 1772, pardon, donc Mozart a tout juste 16 ans. Il a fait un séjour en Italie où il a rencontré quelques-uns des grands maîtres italiens. Et puis, il a entendu à Naples une chanteuse qui s'appelait Anna Lucia de Amicis. Et il a été ébloui par sa voix, il admirait beaucoup cette chanteuse, et il l'a engagée pour Lucio Silla. On va écouter un air tiré de cet opéra, chanté par Sandrine Pio. L'orchestre baroque de Fribourg l'entoure pour cet opéra donc de Mozart peu connu, Lucio Silla. Oh, Un extrait de l'opéra Lucio Silla de Mozart, opéra de 1772, avec la voix de Sandrine Piau. L'orchestre baroque de Fribourg était dirigé par Gottfried von der Goltz. Et on continue avec un peu de piano, si vous voulez bien, un peu de piano, celui de Brahms. Brahms qui a énormément composé pour le piano et qui est souvent très apprécié de la jeune génération musicale, parce que c'est un compositeur qui a laissé des pages extrêmement élaborées, bien sûr, et en plus d'un romantisme beaucoup moins échevelé, beaucoup plus introverti que beaucoup de ses contemporains. Il est né en 1833, il est mort en 1897. C'est un musicien qui a été très précoce, issu d'une famille modeste. Il a commencé à jouer du piano dans les brasseries, les tavernes de Hambourg, avant d'entreprendre une formation plus sérieuse. Et à 20 ans, il fait une rencontre qui va changer sa vie, celle de Robert Schumann et de sa femme. Une amitié fidèle qui ne durera pas très très longtemps, puisque Schumann va mourir prématurément à 46 ans en 1856. Mais évidemment, Brahms va rester très proche de Clara, à qui il va soumettre ses nouvelles partitions très souvent. Et beaucoup d'encre on a beaucoup écrit sur cette relation peut-être amoureuse entre Brahms et Clara Schumann. Ensuite, eh bien, il occupe pendant 2 ans la direction musicale dans la ville de Detmold. Il commence à multiplier les concerts, pianiste et puis chef d'orchestre. Il se fixe à Vienne en 1862 et là, il va commencer à vraiment beaucoup, beaucoup composer. Il quitte cette ville à l'occasion d'une tournée et là, il va rencontrer Wagner. Alors là, par contre, contrairement avec Schumann, ça ne va pas être terrible hein, parce que les deux ne s'entendaient absolument pas. Ils n'avaient pas du tout la même conception de la musique. Et ensuite, eh bien, Brahms devient directeur de la Société des Amis de la Musique de Vienne entre 1872 et 1875. Et toute sa vie, eh bien, contrairement à Wagner, justement, il restera rebelle, rétif à l'opéra. Et lui, il était aussi rétif à ce qu'on appelle la musique à programme, c'est-à-dire inspirée d'un argument littéraire. Pour Brahms, la musique devait être pure et n'évoquer que ce que l'imagination peut... évidemment, ce que l'imagination peut produire à travers donc l'écoute d'une œuvre musicale. On va écouter une pièce pour piano de Brahms, l'un des Klavierstück opus 76, qui est une sorte de petite danse hongroise jouée par Hakon Özbo. Thank you. Magnifique, hein, l'un des Klavierstück opus 76 de Johannes Brahms sous les doigts d'Akon Hotsbaw. Et je vous rappelle que vous écoutez votre émission classique comme tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Et une nouveauté maintenant, un disque qui vient de paraître sous label Cascavel et qui nous propose l'intégrale des sonates et partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach joué par Saskia Letiek. Et Saskia Letiek, bien, c'est une violoniste qui s'est fait plaisir pour ses 50 ans parce qu'elle s'est dit qu'elle avait envie d'enregistrer ces recueils. Et ce sont des œuvres qui l'habitent depuis ses 13 ans. Alors, elle a beaucoup évidemment joué ses sonates et partitas de Bach. Elle les a imaginées, bien sûr. Et bon, ces sonates datent de l'époque où Bach est en poste à Weimar, aussi à Anhalt-Köthen, c'est-à-dire entre 1714 et 1720. C'est l'époque où il compose la plupart de ses œuvres instrumentales. Et ce disque, donc cette nouveauté, elle a été enregistrée dans l'église de Comps, dans la Drôme, joyau d'architecture romane construite sur une colline au milieu de la nature. Ça donne envie de la visiter, hein, cette église. Voilà, c'est donc l'enregistrement qui vient de paraître de cette violoniste magnifique, Saskia Letiek. C'est paru chez Cascavel. Thank you. magnifique, presto de la sonate pour violon seul, BWV 1001 de Jean-Sébastien Bach, nouvel enregistrement de Saskia Le Tieck, paru chez Cascavel, l'intégrale des sonates et partitas, c'est en deux CD et c'est paru donc récemment. Allez, on continue avec une autre nouveauté consacrée à Michael Haydn. Alors autrefois, il était presque autant enregistré que son frère dans les années 50-60, mais les pochettes de disques en français, au lieu de dire Michael, d'écrire Michael, écrivaient Michel. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et en tout cas, c'est un compositeur extrêmement important qui a été très très admiré par Mozart. C'était le frère cadet de Joseph. Il a laissé une œuvre assez considérable. Malheureusement, il était, c'était un alcoolique invétéré, et cette réputation d'alcoolique a nuit beaucoup, finalement, à son développement artistique. Voilà, bon, il était plus ou moins méprisé, et c'est un compositeur vraiment qui a laissé des pages admirables qu'il faut connaître. On va écouter un extrait de son Requiem, qui vient donc de paraître sous label Lean, avec le chœur du collège de Cambridge, l'Academy of Ancient Music, dirigé par Matthew Martin, Requiem pour l'archevêque de Sigismond de Salzbourg. Voilà, on en écoute un extrait, le Domine Jesus, par ses interprètes. Domine Jesus Christ. Oh! un extrait du Requiem de Michael Haydn avec le chœur de Cambridge et puis l'Academy of Ancient Music dirigée par Matthew Martin, et on a entendu la belle voix de la soprano Julia Doyle, c'est une nouveauté du catalogue Lynn. Et on continue avec un peu d'opéra, le Trouvère de Verdi, évidemment l'un des opéras majeurs de ce compositeur. C'est un flamboyant roman de cap et d'épée que le Trouvère, dont la composition se situe entre Rigoletto et la Traviata. Et Verdi a bâti son opéra sur une succession d'airs isolés, très exigeant pour les interprètes d'ailleurs, parce que Toscanini avait l'habitude de dire que pour les quatre rôles principaux, il fallait les quatre plus belles voix du monde, pas moins. Alors on va écouter l'une des plus grandes voix évidemment de ces dernières décennies, c'est Luciano Pavarotti dans l'air fameux Di Quelle Pira. L'Orchestre National Philharmonique est dirigé par Richard Boninge. Di Quelle Pira, la voix magnifique, inoubliable de Luciano Pavarotti, le London Chorus et le National Philharmonic Orchestra dirigé par Richard Boninge. Un disque qui vient de paraître sous label Analecta, qui est un label canadien, et qui nous propose ce qui semble être une intégrale Schubert de l'œuvre pour piano par le pianiste Mathieu Godet. Le 11e volume vient de paraître, il s'intitule Variations. Bon, pourquoi pas, bon, c'est surtout relié à l'un des impromptus Deutsch 935 qui est un thème et variation, mais le reste du programme n'invite pas vraiment à être relié à ce titre, puisqu'il s'agit de la deuxième sonate très, très méconnue de 1815 et les valses nobles de 1826, et puis donc ces impromptus Deutsch 935 très célèbres de 1827. Et bien justement, on va écouter l'un de ces impromptus, Allegro Scherzando. C'est joué par Mathieu Godet et c'est un disque qui paraît sous label Analecta. Thank you. Merci d'écouter Radio Fadjet le samedi et le dimanche pour votre émission discothèque classique de 11h à midi. Et c'était l'un des impromptus Dutch 935 de Schubert, joué par Mathieu Godet, qui enregistre actuellement l'intégrale de l'œuvre pour piano de Schubert pour le label Analecta. Et on va continuer avec un peu de Vivaldi. Alors Vivaldi, il a composé 250 concertos pour violon, au moins, hein, ça c'est ce qui est recensé aujourd'hui. Beaucoup peut-être sont perdus. Et il faut quand même noter que dans les interprétations de Vivaldi, dans son temps, il y avait une bonne part d'improvisation. Car Vivaldi avait une capacité incroyable à composer. Il allait très très vite, beaucoup plus vite qu'il composait plus vite qu'un copiste ne mettait de temps à recopier l'un de ses concertos, c'est tout dire. Il s'en vantait en tout cas, lui. Et il a été joué par Pisandel, qui était un grand violoniste de l'époque, qui vivait à Dresde, mais Bach aussi s'est intéressé à ce violoniste. Et Vivaldi était très très sensible à la qualité des virtuoses, évidemment. Il était très attaché à ce qu'on ne défigure pas non plus sa musique par des virtuosités trop appuyées. On va écouter l'un de ses concertos pour violon, le concerto Orium 281, joué par Giuliano Carmignola et l'Accademia Bizantina, et dirigé par Ottavio D'Antone. Thank you. Assez représentatif, hein, je trouve, des concertos de Vivaldi, ce concerto pour violon, Rium 281, magnifique interprétation de Giuliano Carmignola, l'un des grands spécialistes de ce répertoire, et l'ensemble Accademia Bizantina, dirigé par Ottavio Dantone. Et un peu de Tchaïkovski maintenant, ça fait longtemps que j'en ai pas passé du Tchaïkovski, compositeur évidemment que j'adore, et on va écouter un petit peu de sa cinquième symphonie, et dans sa cinquième symphonie, qui date de 1888, eh bien il y a une valse, mais ça c'est assez fréquent chez Tchaïkovski, c'était vraiment quelqu'un qui composait très fréquemment des valses, évidemment pour ses ballets, mais il en inclut également dans ses opéras et ses symphonies. C'était le fils d'un ingénieur des mines, il avait fait des études de droit à Saint-Pétersbourg, mais c'est évidemment la musique qui l'intéressait par-dessus tout, et à 23 ans, ben, il se lance dans une carrière musicale. Il va travailler au conservatoire de Saint-Pétersbourg, notamment il va travailler la composition, bien sûr. Et puis, ben, Tchaïkovski, c'est l'homme du fatum, du destin, quelqu'un qui traduit dans sa musique ses émotions, son hypersensibilité, parce que sa musique déborde de sentiments humains. Et bon, c'est un compositeur qui a énormément composé dans tous les genres, d'ailleurs, opéra, ballet, symphonie, concerto, musique pour piano, et il a eu la chance, à partir de 1878, d'être aidé par une riche protectrice qui était une admiratrice inconditionnelle de son travail, Madame von Meck, qui va lui assurer des revenus suffisamment confortables pour qu'il ne se consacre qu'à la composition, et son activité le mena fréquemment à l'étranger, il parlait très bien français d'ailleurs, parce qu'il avait une gouvernante française, et donc il a souvent produit en France, en Italie, il aimait beaucoup aussi l'Italie, et on va écouter un peu de sa cinquième symphonie, La Valse, une œuvre de 1888. La valse de la 5e symphonie de Tchaïkovski avec l'orchestre symphonique de la radio de Francfort que dirigeait Eliaou Inbal. Et on va terminer l'émission avec du Gershwin, un Américain à Paris, la conclusion de la pièce symphonique dirigée par Leonard Bernstein. Il y a un point commun entre Bernstein et Gershwin, d'ailleurs il n'y en a pas qu'un seul, hein. C'est que l'un et l'autre étaient enfants de Russes immigrés, juifs immigrés. Donc aux États-Unis, Gershwin est né dans le quartier de Brooklyn, il a souffert de conditions quand même familiales extrêmement modestes, et puis sa vocation de musicien est apparue assez tard, avec le piano qu'il avait découvert un peu par hasard, il va improviser, il n'avait pas étudié dans un conservatoire, Gershwin, il en souffrait d'ailleurs, et il a composé des chansons à succès avec son frère Ira, qui écrivait les lyrics, les paroles, et lui la musique, et puis les succès se sont enchaînés très très vite, et l'une de ses œuvres symphoniques les plus célèbres évidemment, c'est Un Américain à Paris, qu'on va écouter par le New York Philharmonic, tout au moins la conclusion, dirigé par Leonard Bernstein. Conclusion d'un Américain à Paris de George Gershwin, le New York Philharmonic, direction Leonard Bernstein. Eh bien, on se retrouve demain, comme vous le savez, à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Je vous attends encore plus nombreux. Bonne journée à toutes et à tous, excellent samedi et à demain.